Chapitre 16. Les deux mouilles de Saint-Phal. Cette fois, Catherine avait si bien pris ses précautions qu'elle croyait être sûre de son fait. En conséquence, vers 10 heures, elle avait renvoyé Marguerite, bien convaincue, c'était d'ailleurs la vérité, que la reine de Navarre ignorait ce qui se tramait contre son mari. Elle était passée chez le roi, le priant de retarder son coucher. Intriguée par l'air de triomphe qui, malgré sa dissimulation habituelle, épanouissait le visage de sa mère, Charles questionna Catherine, qui lui répondit seulement ces mots. « Je ne puis dire qu'une chose à votre majesté, c'est que ce soir, elle sera délivrée de ses deux plus cruels ennemis. » Charles fit ce mouvement de sourcil d'un homme qui se dit en lui-même « C'est bien, nous allons voir. » Et sifflant son grand lévrier, qui vint à lui, se traînant sur le ventre comme un serpent, et posa sa tête fine et intelligente sur le genou de son maître, il attendit. Au bout de quelques minutes que Catherine passa les yeux fixes et l'oreille tendue, on entendit un coup de pistolet dans la cour du Louvre. « Qu'est-ce que ce bruit ? » demanda Charles en fronçant le sourcil, tandis que le lévrier se relevait par un mouvement brusque en redressant les oreilles. « Rien, dit Catherine, un signal, voilà tout. » « Et que signifie ce signal ? » ?»« Il signifie qu'à partir de ce moment, sire, votre unique, votre véritable ennemi est hors de vous nuire. Vient-on de tuer un homme ? » demanda Charles en regardant sa mère avec cet œil de maître qui signifie que l'assassinat et la grâce sont deux attributs inhérents à la puissance royale. « Non, sire, on vient seulement d'en arrêter deux. » « Oh ! » murmura Charles, « toujours des trames cachées, toujours des complots dont le roi n'est pas. Mordiable, ma mère ! Je suis grand garçon cependant, assez grand garçon pour veiller sur moi-même, et n'ai besoin ni de lisière ni de bourrelet. Allez-vous-en en Pologne avec votre fils Henri, si vous voulez régner. Mais ici vous avez tort, je vous le dis, de jouer ce jeu-là. » « Mon fils, dit Catherine, c'est la dernière fois que je me mêle de vos affaires. Mais c'était une entreprise commencée depuis longtemps, dans laquelle vous m'avez toujours donné tort. Et je tenais à cœur de prouver à votre majesté que j'avais raison. » En ce moment, plusieurs hommes s'arrêtèrent dans le vestibule et l'on entendit se poser, sur la dalle, la crosse des mousquets d'une petite troupe. Presque aussitôt, M. de Nançay fit demander la permission d'entrer chez le roi. « Qu'il entre !» dit vivement Charles. M. de Nançay entra, salua le roi et se tournant vers Catherine. « Madame, dit-il, les ordres de votre majesté sont exécutés. Il est pris. » « Comment il ? » s'écria Catherine, fort troublée. « N'en avez-vous pris qu'un ? » ?»« Il était seul, madame. » « Et s'est-il défendu ? » ?»« Non, il soupait tranquillement dans une chambre et a remis son épée à la première sommation. » « Qui cela ? » demanda le roi. « Vous allez voir, dit Catherine. Faites entrer le prisonnier, monsieur de Nançay. » 5 minutes après, Demouy fut introduit. « Demouy ? » s'écria le roi. « Et qu'y a-t-il donc, monsieur ?»« Eh, sire, dit Demouy avec une tranquillité parfaite, si votre majesté m'en accorde la permission, je lui ferai la même demande. » « Au lieu de faire cette demande au roi, dit Catherine, ayez la bonté, monsieur Demouy, d'apprendre à mon fils quel est l'homme qui se trouvait dans la chambre du roi de Navarre certaines nuits et qui, cette nuit-là, en résistant aux ordres de sa majesté, comme un rebelle qu'il est, a tué 2 gardes et blessé M. de Maurevel. « En effet, dit Charles en fronçant le sourcil, sauriez-vous le nom de cet homme, M. de Mouy ? Oui, sire, votre majesté désire-t-elle le connaître ? Cela me ferait plaisir, je l'avoue. Eh bien, sire, il s'appelait de Mouy de Saint-Phal. C'était vous ? Moi-même. » Catherine, étonnée de cette audace, recula d'un pas vers le jeune homme. « Et comment, dit Charles IX, osâtes-vous résister aux ordres du roi ? D'abord, sire, j'ignorais qu'il y eût un ordre de votre majesté. Et puis je n'ai vu qu'une chose, ou plutôt qu'un homme. Monsieur de Maurevel, l'assassin de mon père et de monsieur l'amiral. Je me suis rappelé alors qu'il y avait un an et demi, dans cette même chambre où nous sommes, pendant la soirée du 24 août, votre majesté m'avait promis, parlant à moi-même, de nous faire justice du meurtrier. Or, comme il s'était depuis ce temps passé de graves événements, j'ai pensé que le roi avait été malgré lui détourné de ses désirs. Et voyant mon réveil à ma portée, j'ai cru que c'était le ciel qui me l'envoyait. Votre majesté sait le reste, sire. J'ai frappé sur lui comme sur un assassin et tiré sur ses hommes comme sur des bandits. Charles ne répondit rien. Son amitié pour Henri lui avait fait voir depuis quelque temps bien des choses sous un autre point de vue que celui où il les avait envisagées d'abord, et plus d'une fois avec terreur. La reine-mère, à propos de la Saint-Barthélemy, avait enregistré dans sa mémoire des propos sortis de la bouche de son fils et qui ressemblaient à des remords. « Mais, dit Catherine, que veniez-vous faire à une pareille heure chez le roi de Navarre ?»« Oh, répondit Demouy, c'est toute une histoire, bien longue à raconter. Mais, si cependant sa majesté a la patience de l'entendre... »« Oui, dit Charles, parlez donc, je le veux. »« J'obéirai, sire, dit Demouy en s'inclinant. » Catherine s'assit en fixant sur le jeune chef un regard inquiet. « Nous écoutons, dit Charles. Ici, Actéon. » Le chien reprit la place qu'il avait avant que le prisonnier n'eût été introduit. « Sire, dit Demouy, j'étais venu chez Sa Majesté le roi de Navarre comme député de nos frères, vos fidèles sujets de la religion. » Catherine fit signe à Charles IX. « Soyez tranquille, ma mère, dit celui-ci. Je ne perds pas un mot. Continuez, monsieur Demouy, continuez. Pourquoi étiez-vous venu ?»« Pour prévenir le roi de Navarre, continua monsieur Demouy, que son abjuration lui avait fait perdre la confiance du parti huguenot, et que cependant, en souvenir de son père, Antoine de Bourbon, et surtout en mémoire de sa mère, la courageuse Jeanne d'Albret, dont le nom est cher parmi nous, ceux de la religion lui devaient cette marque de déférence de le prier de se désister de ses droits à la couronne de Navarre. « Que dit-il ? » s'écria Catherine, ne pouvant, malgré sa puissance sur elle-même, recevoir sans crier un peu le coup inattendu qui la frappait. « Ah ah ! » fit Charles. « Mais cette couronne de Navarre qu'on fait ainsi, sans ma permission, voltiger sur toutes les têtes, il me semble cependant qu'elle m'appartient un peu. » Les huguenots, sire, reconnaissent mieux que personne ce principe de suzeraineté que le roi vient d'émettre. Aussi espérait-il engager votre majesté à la fixer sur une tête qui lui est chère. « À moi ? » dit Charles. « Sur une tête qui m'est chère ? Mordiable ! De quelle tête voulez-vous donc parler, monsieur ? Je ne vous comprends pas. »« De la tête de monsieur le duc d'Alençon. » Catherine devint pâle comme la mort et dévora de mouille d'un regard flamboyant. « Et mon frère d'Alençon le savait ? Oui, sire. » « Et il acceptait cette couronne ? Sauf l'agrément de votre majesté à laquelle il nous renvoyait. »« Oh ! » dit Charles. « En effet, c'est une couronne qui ira à merveille à notre frère d'Alençon. Et moi qui n'y avais pas songé. Merci, Demouy, merci. Quand vous aurez des idées semblables, vous serez le bienvenu au Louvre. Sire, vous seriez instruit depuis longtemps de tout ce projet, sans cette malheureuse affaire de Maurevel qui m'a fait craindre d'être tombé dans la disgrâce de votre majesté. « Oui, mais, fit Catherine, que disait Henri de ce projet ? Le roi de Navarre, madame, se soumettait au désir de ses frères, et sa renonciation était prête. « En ce cas, s'écria Catherine, cette renonciation, vous devez l'avoir ? En effet, madame, dit Demouy, par hasard je l'ai sur moi, signée de lui et datée. » « D'une date antérieure à la scène du Louvre ? » dit Catherine. « Oui, de la veille, je crois. » Et monsieur Demouy tira de sa poche une renonciation en faveur du duc d'Alençon, écrite, signée de la main de Henri, et portant la date indiquée. « Ma foi, oui, dit Charles, et tout est bien en règle. » « Et que demandait Henri en échange de cette renonciation ? » ?»« Rien, madame. L'amitié du roi Charles, nous a-t-il dit, le dédommagerait amplement de la perte d'une couronne. » Catherine mordit ses lèvres de colère et tordit ses belles mains. « Tout cela est parfaitement exact, Demouy, » ajouta le roi. « Alors, reprit la reine-mère, « si tout était arrêté entre vous et le roi de Navarre, à quelle fin l'entrevue que vous avez eue ce soir avec lui ?»« Moi, madame, avec le roi de Navarre ?» dit Demouy. « Monsieur de Nancy qui m'a arrêté fera foi que j'étais seul. Votre majesté peut l'appeler. » « Monsieur de Nancy, » dit le roi. Le capitaine des gardes reparut. « Monsieur de Nancy, » dit vivement Catherine, « Monsieur de Mouy était-il tout à fait seul à l'auberge de la Belle Étoile ?»« Dans la chambre, oui, madame, mais dans l'auberge, non. »« Ah, » dit Catherine, « et quel était son compagnon ?»« Je ne sais si c'était le compagnon de Monsieur de Mouy, madame, mais je sais qu'il s'est échappé par une porte de derrière après avoir couché sur le carreau deux de mes gardes. » « Et vous avez reconnu ce gentilhomme, sans doute ?»« Non, pas moi, mais mes gardes. »« Et quel était-il ?» demanda Charles IX. « Monsieur le comte Hannibal de Coconas. »« Hannibal de Coconas, » répéta le roi, assombri et rêveur. « Celui qui a fait un si terrible massacre de Huguenots pendant la Saint-Barthélemy. »« Oui, monsieur de Coconas, gentilhomme de monsieur d'Alençon, » dit monsieur de Nancy. « c'est bien, » dit Charles IX. « Retirez-vous, monsieur de Nancy. Et une autre fois, souvenez-vous d'une chose. »« De laquelle, sire ?»« C'est que vous êtes à mon service et que vous ne devez obéir qu'à moi. » Monsieur de Nancy se retira à reculons, en saluant respectueusement. Demouy envoya un sourire ironique à Catherine. Il se fit un silence d'un instant. La reine tordait la ganse de sa cordelière. Charles caressait son chien. Mais quel était votre but, monsieur ? Continua Charles. Agissiez-vous violemment ? Contre qui, sire ? Mais contre Henri, contre François, ou contre moi ? Sire, nous avions la renonciation de votre beau-frère, l'agrément de votre frère. Et, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, nous étions sur le point de solliciter l'autorisation de votre majesté. Lorsqu'est arrivée cette fatale affaire du Louvre. Eh bien, ma mère, dit Charles, je ne vois aucun mal à tout cela. Vous étiez dans votre droit, monsieur Demouy, en demandant à un roi. Oui, la Navarre peut être et doit être un royaume séparé. Il y a plus. Ce royaume semble fait exprès pour doter mon frère d'Alençon, qui a toujours eu si grande envie d'une couronne que lorsque nous portons la nôtre, il ne peut détourner les yeux de dessus elle. La seule chose qui s'opposait à cette intronisation, c'était le droit de Henriot. Mais, puisque Henriot y renonce volontairement... Volontairement, sire. Il paraît que c'est la volonté de Dieu. Monsieur de Mouy, vous êtes libre de retourner vers vos frères, que j'ai châtiés, un peu durement peut-être. Mais ceci est une affaire entre moi et Dieu. Dites-leur que, puisqu'il désire pour roi de Navarre mon frère d'Alençon, le roi de France se rend à leur désir. À partir de ce moment, la Navarre est un royaume, et son souverain s'appelle François. Je ne demande que 8 jours pour que mon frère quitte Paris avec l'éclat et la pompe qui conviennent à un roi. Allez, monsieur de Mouy, allez. Monsieur de Nancy, laissez passer monsieur de Mouy, il est libre. Sire, dit de Mouy, en faisant un pas en avant, votre majesté permet-elle ? Oui, dit le roi. Et il tendit la main au jeune huguenot. De Mouy mit un genou à terre, et baisa la main du roi. À propos, dit Charles, en le retenant au moment où il allait se relever, ne m'aviez-vous pas demandé justice de ce brigand de Mourevel ? Oui, sire. Je ne sais où il est pour vous la faire, car il se cache. Mais si vous le rencontrez, faites-vous justice vous-même, je vous y autorise, et de grand cœur. Ah, sire, s'écria Demouy, voilà qui me comble véritablement. Que votre majesté s'en rapporte à moi. Je ne sais pas non plus où il est, mais je le trouverai, soyez tranquille. » Et Demouy, après avoir respectueusement salué le roi Charles et la reine Catherine, se retira sans que les gardes qui l'avaient amené missent aucun empêchement à sa sortie. Il traversa les corridors, gagna rapidement le guichet, et une fois dehors, ne fit qu'un bond de la place Saint-Germain-l'Auxerrois à l'auberge de la Belle Étoile, où il retrouva son cheval, grâce auquel, 3 heures après la scène que nous venons de raconter, le jeune homme respirait en sûreté derrière les murailles de Mantes. Catherine, dévorant sa colère, regagna son appartement, d'où elle passa dans celui de Marguerite. Elle y trouva Henri en robe de chambre et qui paraissait prêt à se mettre au lit. « Satan, murmura-t-elle, aide une pauvre reine pour qui Dieu ne veut plus rien faire. »